Bonjour à toutes et à tous. On va commencer debout éducation populaire avec notre premier intervenant. On est un petit peu en retard parce qu'on a eu des soucis pour s'installer. Pour rappeler à tous ceux qui sont en train d'arriver, le format, c'est pendant 20 minutes, il va nous présenter son thème et puis il y aura ensuite 40 minutes de débat autour de ce thème-là. Et le thème, c'est... Alors le thème aujourd'hui, c'est dessécher les chemins de l'exclusion, c'est-à-dire qu'on va traiter en fait de l'exclusion sociale, de tous les parcours, de tous les chemins qui mènent aujourd'hui les gens à se retrouver dans une situation d'exclusion, et puis montrer en fait, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va vous dire dans 5 minutes, mais montrer en fait comment très très jeunes, les individus se retrouvent pris dans un parcours qui les destine à être exclus plus tard. Voilà, donc repartir en fait effectivement de même ce qui se passe dans l'enfance et dans l'adolescence qui va nourrir ce sentiment d'exclusion. D'accord, donc... Bon, eh bien écoutez, bonjour. On va commencer par faire... Voilà, ce qu'on va commencer par faire effectivement peut-être, c'est se présenter brièvement puisque nous sommes deux à présenter cet atelier aujourd'hui. Donc moi, je suis Sébastien, j'ai un parcours en fait qui est parti de l'animation socioculturelle, et puis le temps faisant, je suis devenu éducateur dans différents milieux, d'abord dans des foyers de jeunes travailleurs, et puis dans un second temps, depuis maintenant quasiment 13 ans, j'interviens pour la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire cette institution qui a vocation à prendre en charge et à accompagner des jeunes qui ont commis, à un moment donné, un acte de délinquance, donc à accompagner les familles les plus en difficulté, et donc forcément à se coltiner tout ce qui peut être de l'ordre de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de la misère et de la violence. Voilà, donc, voilà. Bonjour, je suis Stéphanie. Quand Sébastien m'a parlé d'exclusion, le mot m'a parlé. Je suis en France et j'observe la France depuis que je suis toute jeune. L'exclusion, j'observe de plus en plus. Et parce que je l'ai observé, j'ai choisi de me reconvertir professionnellement pour accompagner des personnes sur les marchés du travail, parce qu'on observe ce qui se passe sur les marchés du travail. Et l'exclusion, je l'ai un petit peu vécu moi-même d'une façon différente à travers ma reconversion et les aides que j'ai pas eues du tout, à travers de plus en plus d'hommes que je vois et de SDF qui sont plus d'il y a 10 ans dans la rue, et surtout à travers des jeunes que j'ai observés dans le métro qui sont de plus en plus nombreux. Et quand je vois leur visage, j'ai pu reconnaître éventuellement mon visage ou de plus en plus de visages, et je trouve pas ça normal du tout. Donc je vais expliquer des choses que j'ai observées du système et de comment la société fonctionne face à ça. Et qu'est-ce qui serait intéressant de faire éventuellement. Bon. Donc vous l'avez compris, en fait, on va parler aujourd'hui des différentes formes sociales. Alors il est évident que la loi El Khomri et le monde qui nous prépare est une loi qui a vocation et qu'on ressent générant de plus en plus d'exclusion, et en particulier d'exclusion par rapport au monde du travail. Mais pour autant, il ne faudrait pas croire qu'on a attendu la loi El Khomri pour créer une société dans laquelle l'exclusion est déjà quelque chose de massif. Ce qu'on va essayer de décrire aujourd'hui, c'est les mécanismes qui mastiquent, qui dévorent l'individu, qui le broient, qui lui demande s'inclure dans des normes, dans des dispositifs qui ne conviennent pas forcément et qui sont finalement générateurs d'exclusion. Quand on parle des formes d'exclusion, il faut se rendre compte qu'il y a eu ces dernières années un vrai changement de sémantique. Dans les lois qui parlent de l'exclusion, on ne parle plus d'exclusion, on ne parle plus des exclus. On prétend qu'on a une politique d'inclusion sociale. Ça permet d'éviter de parler des publics, ça permet d'éviter de parler des problèmes. Et là-dessus, je pense effectivement qu'il faut aussi qu'il y ait une bataille qui soit une vraie bataille sémantique pour reparler des publics et éviter de se trouver simplement dans une configuration où on évoque des politiques qui ne fonctionnent pas. Nous, on vient parler de comment ça se passe, de comment les lois qui sont actuellement en œuvre provoquent de l'exclusion. Moi, je parlerai principalement en tant qu'éducateur, des formes d'exclusion qui touchent les jeunes aujourd'hui et les adolescents. Et puis je laisserai Stéphanie effectivement parler de toutes ces formes d'exclusion de plus en plus massives qui touchent une frange de plus en plus importante de la population, même des personnes qu'on n'aurait jamais vues avant se retrouver dans des situations d'exclusion. Alors les chemins de l'exclusion, dessécher les chemins de l'exclusion, je fais un appel en fait qu'on a lancé maintenant il y a à peu près une semaine, qui vise à demander à Nuit Debout et à l'ensemble des commissions et à l'ensemble des gens qui viennent de s'investir pour essayer de travailler avec nous sur comment on pourrait travailler, sur comment on pourrait mettre en place des solutions, évitant qu'il y ait quelque chose qui vienne paupériser les populations. Alors, c'est un voyage, c'est un parcours, je vous le disais, je vais essayer de le décrire. C'est un parcours qui, en plus des situations réelles d'exclusion, fait naître un sentiment. Le sentiment qu'on est de nulle part, qu'il n'y a pas de place pour nous, que la société a été construite pour qu'on en soit mis à part, pour qu'on ne soit pas inclus dedans. Alors, ça commence effectivement avec parfois les familles et les familles les plus en difficulté. Moi, je m'occupe de jeunes qui sont des jeunes délinquants. Ils sont dans des familles qui sont souvent des familles dans lesquelles il y a des difficultés sociales, financières. Et puis, il y a une autre difficulté qu'on rencontre régulièrement, c'est que au terme de leur parcours scolaire, il leur manque des mots, il leur manque des modes d'expression, et que le mal-être de ces jeunes, ils n'arrivent à partir de ce moment-là à l'exprimer que à travers des formes de violence, des formes de révolte. Et donc, je vais essayer de décrire un petit peu ce qui se passe pour eux. Ces jeunes que j'ai en charge, donc je vais retracer leur parcours à l'école, mais j'aimerais déjà, et même dès cette introduction, rappeler qu'en fait, l'exclusion du monde des loisirs, toutes les exclusions un peu banales, elles sont aussi des exclusions beaucoup plus dures. C'est-à-dire que les jeunes dont je vais vous parler, les jeunes qu'on va prendre en charge, ces jeunes qui, à un moment donné, vont aller à l'école, c'est aussi pour une partie la plus fragile d'entre eux, jeunes qui vont connaître la rue, la violence, et que ça va les toucher, parfois, dès leur minorité. Alors, quand on rentre, en fait, dans le monde du travail social, on observe des jeunes, on voit leurs difficultés, et forcément, le plus facile, c'est pas de regarder ce qui déconne chez soi, ce qui déconne dans son institution, mais de regarder ce qui déconne un petit peu ailleurs. Et la première chose qu'on voit, en discutant avec ces jeunes, c'est leur parcours scolaire. Alors, dans leur parcours scolaire, ce qu'ils nous expliquent, et ce qu'on voit, c'est que ce sont des jeunes qui sont parfois en quatrième, on les prend plutôt vers 13-14 ans, et que depuis au moins la sixième, et souvent avant, ils ne comprennent plus rien aux apprentissages et à ce qu'on leur a demandé à l'école. Ils sont en sixième, ils ont une moyenne qui est catastrophique, et comme le redoublement est quelque chose qui n'existe plus, ils passent de classe en classe, cinquième, quatrième, en ayant des moyennes de 5, 6, rarement plus. La première difficulté là-dedans, c'est que du coup, on observe effectivement leur difficulté à tenir à l'école. Ce que va nous dire l'établissement scolaire, c'est globalement qu'ils ne tiennent pas, qu'ils bougent, qu'ils sont remuants, qu'ils sont ingérables et qu'on se dirige vers un conseil de discipline. On nous demande à nous d'inventer des dispositifs et de bricoler, en fait, avec ces jeunes pour éviter qu'ils soient dans les établissements scolaires, pour qu'ils passent le moins de temps possible en classe et en cours, et que du coup, ils puissent, entre guillemets, tenir et se diriger vers un CAP. Alors, il y a déjà là une première forme d'exclusion, qui est une exclusion des savoirs. C'est des jeunes pour lesquels on n'a plus l'ambition de leur apprendre à d'apprendre déjà. On les maintient dans l'établissement scolaire pour qu'ils soient scolarisés quelque part, sans jamais être en capacité de leur apprendre quelque chose ou de les raccrocher. Alors au mieux, pour ces jeunes-là, ils vont passer en 6e, 5e, 4e, 3e, et puis l'idée ce serait de les amener en CAP, et là pour moi en tant qu'éducateur, il y a un deuxième problème qui se pose et qui montre bien qu'on n'est plus du tout dans une logique de transmettre des savoirs, et ça tient à plusieurs choses. D'abord l'enseignement général, ça va être un enseignement général qui serait fait à minima, mais plus encore, il faut l'imaginer, c'est des jeunes pour lesquels on n'aura plus aucune ambition méthodologique. C'est-à-dire que non seulement on ne leur transmettra plus de savoir, mais on ne leur apprendra même plus comment on peut apprendre à apprendre. Je te donnais des exemples. On ne leur donne plus de livres en CAP. Ils n'ont plus de livres scolaires. Ce qui veut dire que pour un cours qu'ils ont raté ou un moment où ils étaient inattentifs, ils n'ont aucun support sur lequel se raccrocher pour pouvoir apprendre. En imaginant qu'ils aient envie de lire le soir, ou en imaginant que les parents aient envie de les aider, ou un éducateur éventuellement aussi, il n'y a pas de matériel qui leur permette d'apprendre à apprendre. Donc la première forme d'exclusion scolaire, elle est là. Après, il faut aussi avoir conscience que... quand on parle de dessécher, forcément, il y a des solutions. Moi, quand j'avais constaté ça, j'avais proposé qu'on crée des établissements, que j'avais appelés établissements publics d'éducation nouvelle, qui avaient pour vocation de prendre des gamins très tôt, à partir du moment où ils sont en difficulté dans le primaire, mais avec une ambition nouvelle, avec l'ambition qu'ils puissent retourner vers l'apprentissage général. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré de jeunes qui n'aient pas l'intelligence d'aller vers un brevet des collèges. Par contre, j'ai jamais trouvé de dispositif qui permette à un jeune qui était en décrochage scolaire de retourner vers l'apprentissage général. Au mieux, on est maintenu à un niveau qui nous destine à être en CAP, c'est-à-dire finalement à exercer le plus tôt possible une profession. Donc j'aurais aimé que des établissements se développent, permettent cette ambition-là, et puis que ce soit des établissements qui rayonnent, c'est-à-dire qui aillent dans les autres établissements scolaires, qui proposent des nouveaux outils, de façon à éviter qu'on ait des jeunes qui soient à l'école et qui ne bénéficient de plus aucun apprentissage. Donc ça, c'est la première forme, mais il y a une forme beaucoup plus claire que beaucoup de personnes connaissent, parce que ces enfants qui sont dans une situation compliquée à l'école, qui ne comprennent plus pourquoi ils y sont, ils sont souvent très remuants, face à ces jeunes qui posent beaucoup de difficultés dans les établissements, la réponse, c'est l'exclusion. Alors, l'exclusion définitive, souvent, par des conseils de discipline, et rarement des exclusions qui interviennent une seule fois. C'est le parcours d'exclusion, en fait, qui commence à se construire à partir de ce moment-là. Et la réponse qu'on leur donne, c'est finalement qu'ils n'ont absolument aucune place dans les établissements scolaires. On nourrit ce sentiment d'exclusion. Alors, bien sûr, il y a des casse-relais, il y a quelques dispositifs, mais dont l'ambition est faible et dont les moyens sont faibles. Et puis, pour une partie d'entre eux, du fait qu'ils posent des problèmes de comportement, ils vont avoir une orientation qu'on appelle orientation MDPH, c'est-à-dire maison départementale du handicap. On va les classer comme handicapés. Et c'est quand même pas rien de se dire qu'il y a des jeunes qui, du fait de leur comportement aujourd'hui, dès leur plus jeune âge, sont classés, étiquetés comme relevant du handicap. Et alors, comme relevant du handicap, et souvent avec des traitements pour essayer de les sédater, pour qu'ils soient calmes en classe. Et ça veut dire que ces gamins les plus en difficulté, ce qu'on va leur proposer, c'est des ITEP avec un traitement à base de Ritaline pour bien leur montrer que la société les sédatera pour les emmener vers un CAP. Donc ça, c'était ce qui concernait la première phase de ce que j'avais pu observer. Et puis, peu à peu, on travaille dans le social, on se dit qu'on peut peut-être aussi regarder un peu ce qui se passe chez nous. Ça commence toujours par des très beaux principes. L'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire sont issues du Conseil national de la Résistance. Donc, il y a une phrase en 1945 qui est « La France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire un être sain. » Et en fait, blablabla et blablabla, parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, l'aide sociale à l'enfance et le dispositif d'aide aux familles en difficulté, elles se développent en deux grandes familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle le milieu ouvert, l'aide éducative en milieu ouvert. C'est des éducateurs qui interviennent au sein des familles, qui viennent voir les jeunes, qui rencontrent les parents, qui discutent avec eux et qui leur demandent de s'investir et de se remettre en question. Et ça aussi, c'est pas rien. Je veux dire, il faut s'imaginer, en tant que père de famille, avoir un éducateur qui vous demande de raconter sa vie et qui vous demande de lui faire confiance a priori. Ça met forcément du temps. plus on est en difficulté, plus c'est difficile d'accorder sa confiance à une institution. Ce qu'on va constater, c'est que même dans ce qu'on appelle donc cette aide éducative en milieu ouvert, si les familles ne sont pas coopérantes, si les familles ne viennent pas, si les enfants sont un peu fuyants, on va demander à ce que cette aide s'interrompe. C'est-à-dire qu'on va répondre aux familles, à la méfiance des familles, on va leur répondre par puisque vous êtes méfiants, eh ben, nous arrêtons l'intervention. Avec cette espèce de présupposé que moi je trouve un peu idiot, de penser que les familles confrontées seules à leurs difficultés reviendront vers les institutions qui les ont rejetées pour redemander de l'aide. On sait que c'est très douteux. Et puis, donc ça c'est la première grande famille, on intervient en milieu ouvert, les familles plus viennent, et puis finalement, si elles sont trop en difficulté, on les lâche, et on les lâche aussi parce qu'on a peur que notre responsabilité soit en jeu. Si on n'arrive pas à réduire le danger que vivent les enfants, et si on n'y arrive pas et qu'on les garde au sein de nos institutions, on prend le risque qu'il se passe quelque responsable. Donc pour se dédouaner, on va les mettre dehors, et de cette façon-là, eh ben, s'il se passe quelque chose, l'institution n'est pas directement responsable. Et puis la deuxième grande famille en fait d'intervention sociale que on peut mettre en place pour des jeunes délinquants ou des jeunes qui ont besoin d'aide, c'est ce qu'on appelle le placement. Et là aussi, il faut bien imaginer que il y a une sélection très très rude qui est aussi source d'exclusion. Pour être admis dans un foyer actuellement, il faut qu'il y ait de la place. Et le manque de place, il est massif. Comment on est admis dans un foyer ? On est admis dans un foyer après avoir eu un rapport éducatif rédigé par l'éducateur, et puis après avoir passé un certain nombre d'entretiens de sélection qui permettent d'avoir ou de ne pas avoir, ou de ne pas bénéficier d'une place dans l'établissement. Donc il faut être en difficulté, mais suffisamment bon, suffisamment acceptable, pas trop remuant, pour avoir une chance que l'établissement nous donne une place. Et puis à l'intérieur du foyer, il faut imaginer, donc on prend des jeunes, c'est des jeunes souvent qui n'ont plus de cadre horaire, qui ont une vie familiale qui est très compliquée, qui vont plus à l'école, qui sont très déstructurés, qui sont en difficulté, qui vont mal, et on va leur demander, dans le temps le plus court possible, de changer. Alors, on va leur demander quoi ? On va leur demander de se lever à l'heure, c'est des gamins qui ne se réveillent plus, mais il faut qu'ils se réveillent absolument à cette heure-là. Et j'ai vu, moi, dans des foyers, des façons de procéder qui sont totalement génératrices de conflits. C'est-à-dire que on est des garants du cadre. Donc on crée un cadre avec des règles très strictes, très éducatives, très bien emballées, et puis on nous apprend depuis toute notre formation que nous sommes les garants du cadre et qu'on doit le tenir coûte que coûte. Et ça donne des situations un peu comme ça. J'avais un jeune qui était en centre éducatif fermé. Donc il était là parce qu'il risquait la prison et parce qu'il délinquait. C'est les jeunes comme les plus en difficulté qu'on peut avoir dans ces structures. Et le conflit, lorsque j'étais là, tournait autour d'un paquet de chips qu'on avait remis à ces jeunes, que la mère avait remis à ces jeunes, et qu'ils voulaient manger alors que ce n'était pas l'heure. Voilà. Et donc, il faut imaginer des adolescents bien révoltés, à qui on va demander de se plier à des choses auxquelles on ne demanderait même pas à nos adolescents à nous. C'est-à-dire, quand j'étais adolescent, j'ouvrais le frigo, je me servais. Là, non, il y a une heure pour tout. Et il faut se plier à ça. Et on n'a pas le temps. Il faut que ce soit fait tout de suite. Le placement, il doit être efficace tout de suite. On ne se donne plus du tout le temps au nom de la rentabilité des établissements, parce qu'il faut qu'ils fonctionnent. On ne se donne plus du tout le temps de laisser aux jeunes le temps nécessaire pour son évolution. Alors, ça donne des choses massives. À titre d'exemple, à la protection judiciaire de la jeunesse, il y a 10 ans, le temps de placement moyen d'un jeune dans un foyer, c'était plus de 6 mois. Aujourd'hui, c'est moins de 3 mois. Et il faut imaginer la rapidité de changement qu'on demande. Un jeune qui fugue d'un foyer, c'est un jeune qui n'a pas sa place. Un jeune qui délinque dans un foyer pour jeunes délinquants, il ne devrait plus délinquer parce qu'il est placé, alors il sera renvoyé. Et là aussi, il y a un parcours d'exclusion qui se développe. C'est-à-dire qu'on est renvoyé d'un foyer, puis d'un deuxième foyer, puis d'un troisième foyer. Quand on est dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, ça veut dire qu'il y a un juge derrière et qu'il y a des obligations. Si on est renvoyé d'un foyer, ça veut dire qu'on ne tient pas le cadre. si on ne tient pas le cadre alors qu'on est déjà un jeune délinquant? Ça veut dire que notre seule place, c'est la prison. Et donc ces gamins-là, ils vont connaître des parcours qui vont être alternatifs entre foyer, famille, le quartier qui les dévore, qui les aspire parce qu'ils y ont leurs copains et que souvent c'est là où se reproduisent des actes, prison, foyer, famille, prison, famille. Et puis, on arrive vers la majorité, et là, on arrive à une nouvelle forme, enfin c'est le début de la majorité pour nos gamins, c'est la galère. Parce qu'il faut imaginer, depuis le début de mon intervention, je présente la situation de jeunes qui sont extrêmement en difficulté. La majorité n'a pas forcément changé grand-chose à ces difficultés. Le parcours pour se reconstruire est long. Et la seule solution pour eux, pour continuer à bénéficier d'un établissement, ça va être d'avoir un contrat jeune majeur. Un contrat jeune majeur, c'est quoi? Un dispositif de l'aide sociale à l'enfance, à travers laquelle le département s'engage à fournir un certain nombre de choses, en échange d'objectifs chiffrés, d'objectifs posés, que le jeune doit accomplir dans un temps délimité, et s'il ne les atteint pas, eh ben le contrat s'interrompt, c'est terminé, et il n'aura pas de seconde chance. Donc il se retrouve à la rue. Alors ça donne des situations complètement ubuesques, et puis peut-être j'en terminerai par là, puisqu'on en arrive à l'âge adulte, mais il y a un moment aussi où ma responsabilité à moi, je l'engage, moi durant l'année qui s'est déroulée, il y a 3 jeunes que j'ai remis à la rue. Il y en a qui dramaient dans les noctambus. Et quand ils étaient au commissariat, le commissariat m'appelait pour que j'aille les chercher, je le refusais, parce que je voulais un placement en urgence par le commissariat, ce qui est possible. Et on me répondait non, ils sont délinquants, donc on ne les prend plus dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc on les remettait dans la rue. Il y a un deuxième cas, et puis peut-être après, effectivement, je passerai, mais c'était un autre cas extrêmement marquant, d'un jeune qui était polytoxicomane depuis très très tôt, qu'aucun foyer ne voulait prendre, et qui du coup, à 19h30, il était dans mes locaux, j'avais appelé le 115, j'avais appelé l'ensemble des dispositifs, et puis il y a un moment, je lui dis, je vais fermer le service. Et il me dit, donne-moi mes sacs. Je dis, tiens. On a fait le tri pour savoir ce qu'il pouvait emmener dans la rue. Et il m'a demandé de lui mettre son bonnet parce qu'il n'avait plus de main disponible et qu'on était en hiver. Et voilà, ça c'est la réalité en fait aussi aujourd'hui de nos jeunes. Alors voilà, à l'issue de tout ça, je vous disais, l'idée c'était de dessécher, c'était pas de rester sur ces notes négatives. Et moi, il y a une proposition que j'aimerais faire. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une que je pense être une disposition générale et impérative, qui serait de faire passer dans la loi, de faire passer une loi organique, peut-être même constitutionnelle, qui affirmerait une fois pour toutes qu'un établissement qui accueille des mineurs ne peut pas recourir en termes de sanctions à l'exclusion. Alors pourquoi cette loi? Parce qu'une fois qu'on l'a fait passer, on change tout le paradigme. C'est-à-dire qu'une fois qu'un établissement ne peut plus recourir à l'exclusion définitive, eh bien à la société et aux institutions de trouver les solutions alternatives à l'exclusion et d'inventer des dispositifs qui fassent que les jeunes puissent avoir des moments dans lesquels ils sont mal, des moments de rupture et des moments où ils reviennent parce qu'on ne les a pas exclus, parce qu'ils ont encore une place dans leur foyer, à l'école, ils ont encore une place dans l'enseignement général. Et une fois qu'ils auront atteint un certain niveau scolaire, bien sûr qu'ils pourront s'orienter dans des voies professionnelles. J'ai aucun problème avec les voies professionnelles. Mais ça ne peut pas être des voies qui sont subies par des enfants qui ont 8 ou 9 ans, parce qu'à partir de 8 ou 9 ans, on peut être déjà destiné uniquement dans l'éducation nationale à ne pas aller plus loin qu'un CAP. Bonjour, j'ai rencontré Sébastien et Sébastien m'a parlé d'exclusion, de ce qu'il faisait, et pour le coup le mot exclusion m'a interpellée. Moi ça fait 3 ans que je suis revenue en France, et donc je vais vous expliquer mon cas personnel juste pour pas faire généralité, mais ceci dit mon cas personnel c'est quand même une minorité qui commence à devenir de plus en plus importante aussi, plus des observations que j'ai fait sur la société. L'exclusion je l'ai observée de différentes façons il y a quelques années déjà, de plus en plus de personnes dans Paris, d'hommes de SDF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des personnes qui ont travaillé, qui ont eu des familles, on reconnaît à leur visage qu'ils se sont, voilà, ces visages d'hommes ne sont plus les visages d'hommes qui étaient dans la rue avant. Il existe aussi, on voit de plus en plus de jeunes aussi, des visages de jeunes dans les métros, qui cette observation-là me fait vraiment très très peur. Sur ces visages de jeunes, du fait de ce que j'ai expérimenté ces trois dernières années, je reconnais mon visage. Et avant, on entendait beaucoup ces discours disant que les jeunes, c'était un choix, qu'ils refusaient, qu'ils n'étaient pas motivés, qu'ils ne voulaient pas travailler. Mais en fait, du fait de ce que j'ai vécu moi à travers ma reconversion professionnelle, auxquelles je me confronte par rapport à ça, je me rends compte qu'en fait ce sont des jeunes qui ont beaucoup de motivation, qui ont des valeurs, qui ont développé leurs compétences, et parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles n'ont plus de temps et elles se sont fait mettre à la rue. Et ça c'est une réalité et elle fait terriblement peur. C'est pas leur choix. Moi je suis rentrée d'Asie il y a 3 ans. J'ai toujours été proche de l'humain, j'ai observé la société, j'ai puisé dans la diversité, j'ai appris chez l'autre beaucoup. Les discours qu'on me racontait en France me racontaient pas particulièrement d'histoire, il me manquait quelque chose. J'ai voulu me reconvertir professionnellement, j'accompagne les personnes en transition professionnelle, donc parce que j'ai observé les marchés du travail, j'ai écouté les besoins de sens, j'ai observé tout ce qui se passait à notre époque, et j'ai aussi travaillé bénévolement dans les missions locales pendant 1 an. C'est pas trop fort. Oui, et j'ai aussi travaillé dans les missions locales et j'ai accompagné des jeunes. J'ai demandé à travailler comme salarié dans cette mission locale. On m'a dit non. En fait, j'ai remarqué que dans cette société, on prend beaucoup les personnes gratuitement, mais en fait, quand il est question de rentrer dans les marchés du travail, c'est de plus en plus difficile. Oui, j'ai observé aussi les attitudes des recruteurs qui prennent beaucoup sur les CV et puis vraiment sur la motivation, plus sur les expériences de vie. Il faut rentrer dans des cadres bien bien précis, sauf que le système change et je suis pas sûre qu'ils soient encore très très bien adaptés aux besoins des personnes qui émergent. Et les recruteurs, j'ai constaté aussi qu'ils recrutaient sur des critères qui étaient complètement déshumanisés, finalement. En fait, les cadres sont terriblement étroits et ça correspond plus. En fait, mon combat, ça a été de pas redevenir esclave, comme j'étais dans mon ancien secteur d'activité, où finalement, j'avais pas de responsabilité, pas d'autonomie, pas le droit de m'exprimer. J'avais envie d'être autonome et indépendante et puis surtout de transmettre. Et puis j'avais envie que mon cerveau fonctionne aussi parce que c'est comme ça que je me sentais vivante et on entend aussi de plus en plus de personnes qui sont en manque de sens dans ces milieux professionnels, qui ont envie de sortir de ces milieux professionnels, sauf que on leur dit le système a ce discours que c'est pas possible, on nous oblige à rester dans ces confinements et je relève ce que disait Sébastien, le langage de notre société est absolument terrible, on nous conditionne dans des impossibilités. On nous conditionne en nous disant que c'est pas possible, on nous dit non, on nous refuse et beaucoup de personnes n'ont pas forcément la persévérance d'aller contre ce discours-là. Mon métier, c'est vraiment transmettre les possibilités. Vous imaginez les cadres, c'est un carré tout petit, les possibilités et les ressources des gens sont en dehors des cadres. Je sais pas si vous voyez tout l'univers qui existe en dehors des cadres, il y a des méthodes d'accompagnement qui autorisent ça. Vraiment, il faut refuser ces discours. Ça détruit les gens. Je ne sais pas comment on peut accepter à ce point d'offrir si peu de possibilités aux gens. Et mon métier, c'est vraiment de dire non à ça. Bien sûr qu'il y a des possibilités. Je vous accompagne pour ça. Vous voulez changer de métier, vous êtes au chômage, vous savez pas quelle autre possibilité de voie professionnelle de choisir. Et ben parce que on vous a éduqué dans un langage où on vous a dit non. Et en fait, si on vous communique un autre langage, on vous modifie l'état d'esprit. Et en fait, des possibilités, il y en a plein, donc il faut vraiment refuser ça. C'est super important et c'est grave. Donc oui, les marchés du travail sont de plus en plus difficiles d'accès, les cadres de plus en plus étroits. J'entends beaucoup de discours des administrations et autres systèmes français comme quoi non, ce n'est pas possible. Ça m'a dérangée et donc c'est pour ça que j'ai choisi de choisir cette voie professionnelle-là. J'ai voulu aller finalement complètement à contresens du système de pensée et j'ai voulu aussi aller dans le sens de ces besoins de sens dont j'entendais de plus en plus de personnes le demander. Mon attitude relationnelle est une attitude d'attention et de poser des questions les uns aux autres. On ne se pose pas assez de questions. Il y a aussi beaucoup de jugements et d'interprétations. Et les jugements et les interprétations, ne pas poser de questions, autorisent ces jugements-là. Et c'est pour ça que il y a tout un mode de pensée, en fait, finalement, et d'attitude à reconstruire complètement à travers ces différentes choses que j'exprime. Je me donne un exemple pour pas faire de généralité. Peut-être on est encore des minorités, mais j'ai l'impression que ces minorités-là prennent de plus en plus, enfin en tout cas elles grandissent et elles sont quand même pas encore assez écoutées. Ma formation, hein, bêtement, hein, normalement j'aurais pu être aidée, elle m'a coûté très très cher parce que les administrations ont mis terriblement de temps, ce temps qu'on connaît des administrations, et ben ma formation je me la suis payée, et puis bon, ben, je vous repasse les détails de ce que ça crée après. Sauf qu'on n'est pas en Inde, on n'est pas en Afrique, on n'est pas dans des pays où il y a des millions de personnes au mètre carré, on est en France, donc justement, ça c'est pas tout. On a toute une capacité d'organisation. Ça veut dire que ce sont ces individus-là qui veulent pas avoir des attitudes. Le mot administration encore, c'est un mot qui n'a pas de sens. Ce sont des personnes et des individus qui travaillent face à des besoins humains. Les administrations, ce sont des papiers. Non, ce sont pas des papiers. Ils sont face à des besoins humains. Et c'est super important. Prendre ça en compte. Le sens des mots, beaucoup de sens des mots en France sont faux. Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai eu la possibilité de me payer cette formation, mais justement, aux gens qui ont moins de possibilités socialement, ce sont des gens qui, à cause de ce système qui freine constamment, passent à côté, quelque part, de leur vie. Moi, on m'a dit non à tout ce que je voulais mettre en place, pas à pas, depuis 3 ans où je suis rentrée en France, et non, c'est responsabilisé. Non, dire non, c'est trop facile. C'est se déresponsabiliser. Quand on dit oui, on s'investit. Et il y a beaucoup de systèmes en France qui ne veulent pas s'investir face à ces besoins humains. Et il faut, en fait, que ces personnes qui sont face à ça persévèrent et essayent de voir de quelle façon. En fait, le système français fait baisser les bras de plus en plus. Sauf qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Et entre le noir et le blanc, bah, y a plein de couleurs aussi. Donc le discours binaire, oui ou non, je suis d'accord avec toi, donc tu es contre moi. Eh ben non, on est d'accord, mais avoir et se transmettre plein d'informations et plein de sens entre ces différentes façons de penser. Donc il y a la possibilité de dire oui, pour peu que l'on prenne en compte que ce sont des êtres humains qu'ils ont face à eux. En rentrant d'Asie, par exemple, hein, pendant un an, j'ai eu besoin de retrouver un travail parce qu'il y avait écrit Asie sur mon papier. Les recruteurs me disaient non, c'était trop bizarre, tu rentres pas dans les cadres, plutôt que de poser des questions et de voir ce que ça pouvait apporter. J'ai retrouvé du travail. Pourquoi ? Donc pendant un an, ils m'ont laissé croire que j'étais pas compétente, hein, que j'avais pas de valeur. J'étais un petit peu désespérée. Dans l'urgence, j'ai appelé l'employeur avec qui j'ai travaillé avant de partir en Asie. Ils m'ont pris. Donc comme quoi, j'avais des compétences et de la valeur. Je vous parle de moi, mais sauf que ça, il y a énormément de gens qui le vivent. Donc on a tendance à désespérer et à vous faire croire que vous n'avez pas de valeur, mais c'est faux. C'est encore une attitude relationnelle qu'il faut refuser et vraiment se battre contre. Donc moi, depuis que je suis rentrée en France, hein, depuis ces 3 années où j'observe le système, la société, que j'observe les discours et que j'observe les attitudes relationnelles, et ben je suis triste. Je suis vraiment très très triste. Et, Et en fait, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on vit dans une société qui est dans un confort terrible, finalement. Il y a beaucoup de consommation. Et ça me fait peur qu'il y ait une bonne part de la société, finalement, d'avoir tout à portée de main, comme ça, les esprits ne fonctionnent plus réellement. Et ça crée une dynamique léthargique, en plus de faire l'autruche. Donc il existe des minorités en recherche de sens. Et ces minorités, on ne les prend pas en compte. Et elles se font mettre à la rue. Et j'ai réalisé que c'était pas les personnes qui étaient dans les cadres classiques salariés qui pouvaient se rendre compte de cette société-là, parce que finalement, il faut se confronter à des vrais besoins pour se rendre compte dans la société dans laquelle on vit. Et il commence à y avoir des prises de conscience un petit peu plus importantes qu'il y a 5 ans, mais je refuse d'entendre qu'il n'y a pas de possibilité de changer les choses. Je me suis retrouvée plusieurs fois face à des personnes qui étaient en besoin de changement individuel. Je pars du principe qu'on ne peut pas changer autour de soi sans se changer un petit peu soi-même. Et quand je proposais d'expérimenter concrètement la possibilité de changement à travers mon métier, à travers ce que je peux transmettre, les personnes fuyaient. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange d'entendre parler beaucoup certaines personnes. Et finalement, quand on leur propose quelque chose de concret, ben non. Donc en fait, finalement, il n'y a pas encore un réel envie à certains endroits de changer les choses. Parce que ces personnes qui sont dans les situations trop confortables, justement, hein, c'est de ça dont je parle, et je veux surtout pas faire de généralité. Donc à un moment, je crois aussi qu'il faut que le discours soit réellement cohérent. Donc oui, je pense que nous allons être amenés à un moment à nous demander de quelle façon l'exclusion nous parle, de quelle façon vous constatez l'exclusion et de quelle façon vous vivez cette exclusion, qu'on ait aussi des retours, qu'on puisse en parler ensemble réellement, et qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement. Moi, je me suis sentie terriblement seule pendant 3 ans et je suis épuisée. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de travailler pendant 1 an et de quitter la France pour transmettre, pour travailler dans un pays où les attitudes relationnelles sont pas celles que j'ai observées face à moi et face à d'autres qui vivent des situations similaires et surtout pires finalement. Donc, je suis contente d'avoir rencontré Sébastien car. Voilà, je suis contente d'entendre et de pouvoir être avec des personnes qui ont envie de mettre en place des actions concrètes. Une autre chose sur laquelle il serait intéressant de réfléchir dans notre culture, on nous éduque et on nous transmet que les choses, les systèmes ne sont ça c'est un gros problème. C'est que dans notre culture française, on nous transmet le fait que tout est n'est pas interdépendant. On nous fait dissocier complètement, et ce qui fait dans notre façon de penser, notre cerveau et notre langage n'est pas du tout habitué à créer le lien. On dissocie tout. Et c'est pour ça que ce que Sébastien propose, de créer cette école, cette structure, entre justement cette école où les jeunes ont de réelles difficultés, plutôt que de les faire passer par la rue en disant la capacité à retourner dans cette école. Oui, en effet, leur poser à un endroit où on peut leur transmettre avec un langage, avec une pédagogie, avec surtout une attitude relationnelle qui va vers. Ici, on est dans une société d'ego où chacun pense à soi finalement. On n'a pas l'attitude de faire les choses vraiment sans attendre en retour vers la personne. Donc, cette structure que Sébastien propose, c'est créer le lien entre cette école où ces enfants ont des difficultés et peut-être ont besoin d'en sortir, mais pas la rue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là pour leur donner envie de retourner, de leur apprendre, de leur donner de la connaissance, de les motiver pour leur dire ce qu'il est possible d'avoir en continuant ce parcours scolaire, mais en leur donnant envie réellement. Et arrêtons de tout déconstruire et arrêtons d'écouter les langages qu'on nous transmet, parce que ça fait peur et ça crée de plus en plus de personnes à la rue qui sont pas les personnes qui ont été... qui sont socialement défavorisés comme celles dont Sébastien parle de plus en plus. Et je ne sais pas comment chacun peut accepter ça réellement et ça me fait peur beaucoup. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Merci beaucoup. On va passer à la partie débat. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qui a été dit? Moi déjà, j'ai du coup, pour lancer le débat, j'ai une question. Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est pour rebondir sur... sur ce que tu as dit, le fait de refuser que les personnes puissent être exclues, puissent partir. Et il me semble que ça rebondit sur quelque chose d'assez fondamental et qui manque certainement beaucoup à ces jeunes, c'est le sentiment de sécurité. Et à partir du moment où ils ne pourront pas être exclus, ils auront ce sentiment de sécurité qui va leur permettre de se construire dans le long terme. Alors que si on part du principe où ils font une connerie, par exemple, ils sont exclus, mais c'est pas de la sécurité, c'est de l'autorité. Voilà, c'est une soumission à l'autorité, en tout cas un respect à l'autorité, mais jamais une sécurité qui ferait que ils peuvent revenir, même s'ils ont fait quelques... Enfin, je sais pas si... Oui, effectivement, avoir posé le principe qu'aucun jeune ne peut être exclu d'un établissement censé prendre en charge des mineurs, c'est leur offrir une sécurité. Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. En particulier, en Israël, il y avait un psychopédagogue qui avait créé un truc qu'il appelait les points chauds. Alors les points chauds, c'était des lieux dans lesquels les jeunes de la rue pouvaient venir, et duquel le principe était qu'ils ne pouvaient jamais perdre leur place, sauf s'ils demandaient à ne plus faire partie du dispositif. Là aussi, il faut quand même se rappeler qu'il faut du temps, et le bilan de cette expérience montre à quel point les jeunes intègrent le sentiment d'exclusion. Pourquoi ? Parce que les premières réactions des jeunes, quand on leur dit qu'ils ne peuvent pas être exclus, c'est de le mettre à l'épreuve. Ce que racontait cet homme, c'est que dans ces lieux-là, la violence des jeunes était, dans les premiers temps, exponentielle. C'est-à-dire qu'ils allaient être le plus pénible possible pour vérifier qu'on leur conservait cette place. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce principe fasse une société qui soit tout de suite apaisée. Mais dans un deuxième temps, quand les jeunes se rendent compte que l'exclusion n'est plus la réponse qu'il aurait apportée, il y a des changements, avec le temps, il y a des changements de comportement qui leur permettent de réinvestir et de se reconstruire. Donc ça se construit dans le temps, c'est pas une solution magique, mais c'est un préalable à la reconstruction des enfants que de leur offrir la sécurité, un minimum de sécurité. Il faut quand même se rendre compte, et puis peut-être je terminerai pour te répondre pour ça, parce qu'à l'inverse, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont tellement peur d'aller en foyer, tellement peur de se retrouver exclus, qui me disent « Non, ne me prépare pas un projet de sortie de prison. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu me prépares un projet de sortie de prison. Parce que je sais comment ça va se passer. Moi, j'ai des comportements délinquants. Je vais être dans un foyer avec d'autres jeunes qui peuvent avoir un comportement délinquant. Et je vais sans doute recommettre un acte de délinquance. Et je sais que la réponse du foyer, ce sera de me renvoyer. Donc laisse-moi en prison. Laisse-moi faire ma peine. » Et ça, c'est quand même un constat d'échec qui est... véritablement pénible pour un éducateur judiciaire de se rendre compte que le jeune refuse les réponses éducatives parce qu'elles sont trop insécurisantes pour ces jeunes les plus en difficulté, parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre leur place et qu'ils savent que s'ils perdent leur place, eh bien c'est soit leur famille, soit la rue. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses à... Quelqu'un qui souhaite rebondir sur ça ? Oui ? Oui, donc tu parlais d'école alternative, école de la deuxième chance un petit peu, où les gens pourraient se réorienter vers une filière générale que tu voudrais mettre en place, en fait, proposer. Pour l'instant, par rapport à ce projet, quel retour des institutions ? Alors effectivement, l'idée de ce que l'école publique d'éducation nouvelle, c'était d'avoir un lieu qui propose une pédagogie totalement différente pour des enfants qui sont en primaire, qui sont déjà en décroché dans les apprentissages. Et à ce moment-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans toutes les études qu'on voit, on a des études, par exemple, qui s'appellent CEDRE, on voit que un tiers des jeunes qui sortent du primaire actuellement ne sont pas réputés, ne sont pas censés réussir dans les collèges. Donc l'idée, effectivement, c'était de pouvoir rebâtir une scolarité générale à partir de ce niveau-là pour autoriser les gamins à avoir un temps de fracture, un temps de rupture scolaire, et de retourner vers les établissements classiques. Donc un pont. Un pont qui permet de remonter, en fait, au lieu de rester à un niveau donc, qui arrive vers le CAP. Au moment où j'ai commencé à parler de ça, on était en plein milieu du discours de Payon, en fait, sur la refondation de l'école. Je l'avais fait passer par toutes les voies que j'avais pu, par des contacts politiques pour que ça arrive dans les cabinets. Et la réponse qui m'avait été faite à l'époque était que... c'était pas du tout le sujet actuellement, que le sujet c'était la réforme des rythmes scolaires, et qu'on verrait ça dans un second temps. Et puis la deuxième réponse qui avait été faite par la région, parce que la région en fait avait travaillé sur des assises concernant l'exclusion scolaire, c'était que leur compétence générale, c'était les lycées, et donc ils commenceraient à intervenir au niveau des lycées. Donc en fait, j'ai eu aucune réponse par rapport à la possibilité de mettre en place quelque chose de différencié, et le projet, on est resté là, comme beaucoup de projets, parce qu'on sent qu'il y a une vraie résistance au changement. C'est-à-dire que, quelque part, avoir un établissement qui fonctionne autrement au sein d'une institution, c'est très déséquilibrant. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire. C'est le but, d'ailleurs, de créer un établissement différent. C'est de déséquilibrer l'institution pour susciter le changement. Mais il y a des résistances qui sont absolument énormes et que je ne sais pas du tout. Stéphanie parlait de solitude. Effectivement, je trouve qu'il y a une très grande solitude de ceux qui essayent de se battre parce qu'en fait, il y a un mur, à un moment donné, et ce mur, c'est l'administration. Et cette administration, comme les politiques d'aujourd'hui, sont pas du tout disposées à écouter les gens de terrain et à essayer de poser les problèmes autrement. Donc il y a des fins de non-recevoir. De la même façon, quand j'ai proposé un foyer, alors un foyer qui était différent, c'est-à-dire un foyer dans lequel il n'y aurait pas de procédure d'admission, on envoie le dossier, s'il y a de la place, le gamin est admis. Et puis d'autre part, qui fonctionne, qui soit organisé pour qu'il n'y ait pas d'exclusion possible, puisqu'il y a tout un tas d'alternatives autour, la réponse qui m'a été faite globalement, ça a été, on a déjà des foyers, je vois pas du tout pourquoi tu veux changer les choses. Voilà. En sachant que la réponse la plus courante, c'est pas de réponse. C'est-à-dire qu'on envoie le dossier, il leur parvient et il n'y a aucun retour. En accompagnement, il y a une chose très très simple, c'est faire plus de la même chose. À partir du moment où on voit que ça ne fonctionne pas, on arrête de faire plus de la même chose. Et on fait à chaque fois différemment. Vraiment. À chaque fois. Quand je suis avec une personne de la mission locale, un jeune qui, à un moment, je pouvais même penser, parce qu'il vient d'un autre pays, s'exprimait très très mal, j'ai pris une journée où on n'a pas parlé du tout de l'entretien de recrutement, il m'a parlé de son pays, j'ai compris qu'il parlait super bien parce qu'il était très à l'aise dans cette situation et pas du tout à l'aise à l'idée de passer. Et ben la séance suivante, j'ai utilisé ça pour, et je l'ai mis même à la place du recruteur, pour qu'il se sente à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons différentes, il faut sortir des cadres, il y a plein de possibilités, il suffit de se mettre à la place de la personne et arrêter de se regarder soi-même quand vraiment on veut aider. Et là, on voit que tout d'un coup, la personne change. Mais à partir du moment où c'est possible sur un individu, bah c'est possible sur un plus petit système et un plus grand système et ainsi de suite. Mais on ne peut pas changer un système immense sans changer chacun des individus. Mais il faut savoir que c'est possible en l'expérimentant réellement. En fait, honnêtement, j'entends tout à fait ce que vous dites et je trouve ça juste, très juste, mais il y a peut-être aussi un problème aussi qui va encore au-delà de ça. C'est que moi, personnellement, honnêtement, j'estime que j'ai eu même beaucoup de chance dans la vie parce que, honnêtement, j'ai toujours été dans des bonnes écoles publiques, ça s'est toujours très bien passé. J'ai été au lycée, dans un bon lycée parisien, sauf que, arrivé en terminale, j'étais en plus en classe scientifique et arrivé en terminale, on nous disait écoutez, vous êtes des scientifiques, vous êtes des bons élèves, allez en fac de droit ou allez en fac de médecine. C'est une vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi personnellement, je savais pas quoi faire à ce moment-là, j'étais complètement perdue. Je suis allée en fac de médecine parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de médecins, donc c'était comme ça et donc j'y suis allée. J'ai perdu 2 ans de ma vie parce que finalement, je me suis retrouvée dans une situation d'abord parce que 80% échouent, parce que c'est les numerus clausus qui veulent ça. Ensuite, je me suis retrouvée à la fin de ma deuxième année, j'avais toujours rien en poche, j'avais toujours pas de métier, j'avais toujours aucune évolution. Et il fallait que je fasse quelque chose, alors j'ai fait quoi? La suite logique, j'ai tenté le concours d'infirmière. Oui, c'est logique, je l'ai fait. Je l'ai eu tout de suite, j'ai fait mes 3 ans d'études comme ça, mais absolument sans vraiment avoir eu d'orientation préalable ni quoi que ce soit. Et à la fin de la 3e année, j'ai échoué. En fin de 3e année, 3e et dernière année, j'ai échoué et j'ai même pas eu la possibilité de redoubler. J'ai été carrément exclue de l'école. Alors que finalement, tout ce que j'avais pas validé, c'était ma fin d'année, le dernier examen pratique, c'est tout. Sans possibilité de redoubler. Et donc je me retrouvais, j'avais finalement 5 ans après le bac et j'avais rien en poche. J'ai perdu mes 5 ans de ma vie comme ça. Et tout ça pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a rien qui est fait justement pour une réorientation des gens, pour vraiment essayer de cibler vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et ça, franchement, moi, franchement, ça m'écœure. Et finalement, enfin, parce que je suis quelqu'un de fort, effectivement, et que j'ai réussi à rebondir et à essayer de chercher vraiment ce que je voulais. Et j'ai fini par faire un BTS qui m'a permis d'avoir après une vie professionnelle. Mais franchement, il n'y a rien qui est fait, même pour aussi les bons élèves de manière générale. Et c'est quand même un gros problème aussi par rapport à la prise en charge, justement, des élèves de manière générale, même au-delà de ça. Et qu'on puisse effectivement se faire exclure d'une école. Juste parce qu'effectivement, on a loupé un examen sans même possibilité de redoubler ni quoi que ce soit. C'est quand même mais terrible. Enfin, moi, j'ai réussi à m'en remettre, mais je ne sais pas combien de personnes peuvent aussi le faire. Quoi. C'est... Je vous remercie. Ok. Il y a deux questions. Donc, on en revient à ce problème de l'exclusion. Ça, c'en est un. Et effectivement, avoir des écoles qui fonctionnent sur une logique de l'exclusion, eh bien, ça peut que provoquer des... Et puis, un deuxième problème, pour moi, dans ce que tu dis, c'est la question de comment on oriente actuellement les élèves. Alors, quand ils sont en difficulté, c'est très simple. C'est le bâtiment, la peinture, la maçonnerie, la restauration. Voilà. En gros, c'est ce qui leur sera proposé. Et ça me fait penser un peu à ce que disait Stéphanie sur la posture. C'est-à-dire qu'il y a des millions de métiers possibles en France, mais... On va se rabattre sur les choses les plus simples. Les services d'orientation vont fonctionner non pas en ayant le temps ou l'appétence de savoir ce que la personne veut, ou la formation, on pourrait revenir là-dessus, peut-être je ferai un tout petit parenthèse sur la formation des acteurs, mais avec finalement des habitudes de travail. L'orientation, c'est ça, ça, ça et ça. Et effectivement, ça, c'est un gros problème général, parce que s'orienter, c'est jamais une chose facile. Et puis, ces techniques, les techniques qui permettraient justement d'aller rechercher ce que les gens veulent vraiment, vers quoi ils sont bons, dans quoi ils pourraient s'accomplir, eh bien, je pense qu'il n'y a personne qui sait le faire. Il faut quand même essayer d'imaginer à quel point la formation, elle est naze dans le milieu social. C'est-à-dire que moi, je suis un spécialiste de l'entretien. Mon travail à moi, c'est de mener les entretiens. Et puis un jour, dans ma formation professionnelle plus tard, il y a un intervenant qui dit, mais vous menez des entretiens, mais c'est quoi votre base théorique ? Et là, l'ensemble des éducateurs la regardent, de quoi vous parlez ? Quelle base théorique sur l'entretien ? Et il s'est mis à développer. Et en fait, il y a des techniques d'entretien qui ne produisent pas la même chose, qui ne sont pas destinées à faire la même chose, mais pour lesquelles personne n'est formé. Je crois que sur la formation, tu... Moi, sur la formation, il y a quelque chose qui me fait très très peur. La formation que j'ai faite pour l'accompagnement professionnel, vous savez qu'il y a des lois qui sont passées, des formations qui sont de moins en moins éligibles. Et en fait, j'ai réalisé que cette loi de la formation avait jeté toutes les formations qui permettaient de transmettre et de faire penser. Et les formations éligibles sont maintenant les formations de plus en plus techniques. Et c'est vrai, quand je regardais la liste des formations éligibles, donc sur lesquelles on pouvait être aidé financièrement, c'était des formations techniques. Et je crois que c'est quelque chose qui est créé par le système français aussi, c'est-à-dire qu'il ne transmet plus du tout et qui met de plus en plus de choses en place pour ôter la capacité à penser et à transmettre. Et ça, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce qu'on a besoin de ces accompagnants dans les différents systèmes de formateurs, d'éducation, des différentes écoles, dans la situation dans laquelle tu as été et autres. Et ça, c'est grave. Donc oui, comment faire pour refuser ça et prendre notre place et accompagner ces personnes qui en ont besoin, aussi bien comme vous que des personnes moins favorisées socialement, créer des structures, je ne sais pas. On vous pose les questions, on a besoin de vous de toute façon, parce que c'est ensemble qu'il va falloir mettre des solutions dans les box et les déposer à un endroit où les gens vont prendre des décisions. Ou se mettre devant ces endroits qui prennent des décisions pour qu'à un moment, elles soient prises. Parce que ça ne va pas être possible que ça continue longtemps. Réellement, on est au pied du mur. On est en train de se foutre dans le mur aujourd'hui. Il y a des pays émergents qui sont en train de nous mettre dans la tronche. Réellement, la France, il faut arrêter. Et vraiment mettre des actions en place concrètement avec chacun de vous. Oui, et c'est ça, sur cette question de l'orientation, effectivement, on en a beaucoup parlé pour les jeunes en difficulté. Moi, j'aimerais aussi reprendre un exemple qui est un peu comme le tien, d'un ami qui est ingénieur en informatique, et qui a connu beaucoup de phases de chômage et de réembauche, et qui me dit aujourd'hui, dans mon secteur, il n'y a pas de métier dans lequel je peux être bien. Et c'est flippant, parce que ça veut dire que il a 30 ans, il a un peu plus de 30 ans d'ailleurs maintenant, il a 30 ans, une trentaine d'années, et il se dit, toutes les études que j'ai faites m'emmènent à exercer des professions dans lesquelles je ne peux pas m'accomplir. Alors voilà, il y a eu un raté, ça fait des ratés de vie, et ces ratés de vie, et puis ils sont rattrapables, il y a des moments où on arrive à les reconstruire. Mais ils provoquent quand même le risque, on parle de du désinvestissement par rapport au travail, de l'usure professionnelle, et cette usure professionnelle, elle a ses racines dans l'orientation parfois. Parce qu'on n'a pas été orienté correctement, on s'est engagé dans une voie qui nous referme une partie des portes du bonheur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages, interventions ? Oui, moi, enfin, pareil, moi, je voulais témoigner un petit peu de mon parcours scolaire aussi, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression, venant d'un milieu populaire, quoi, j'ai eu l'impression qu'on était dans des voies toutes tracées, c'est-à-dire que aussi bien, je pense que c'est l'expérience commune que tout le monde, dont tout le monde peut témoigner, en fait, hein, c'est que moi, tous les amis que j'avais au collège sont partis tous en CAP. Je me suis retrouvé un petit peu comme ça en seconde générale, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon BEPC, que ça marchait bien, etc., et qu'on m'a mis là-dedans, quoi. Et là, j'ai rencontré une autre population, qui était plutôt fils d'enseignants, de psychologues, d'architectes, etc., etc., qui m'ont ouvert sur un autre monde que je connaissais pas du tout, de la poésie, de la philosophie, etc., etc. Et plus j'avançais dans mon parcours, en fait, plus je me suis retrouvé avec des gens qui venaient d'un milieu totalement différent du mien. À la faculté, ça a été encore un autre filtre. Et ce que j'ai pu observer, alors pendant très longtemps, j'ai nourri une certaine aigreur par rapport à ça, c'est-à-dire de me dire, mes pauvres amis qui étaient avec moi en 4e, 3e, qui ont tous fini en CAP, bah, ils auraient peut-être pu être sur les bancs de la fac. Et maintenant, je vois dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me dis, tous ceux qui étaient au banc de la fac et qui s'ennuyaient copieusement sur les bancs de la fac auraient pu très bien se réaliser dans des métiers manuels. Alors c'est très marrant parce que quand on écoute les politiques aujourd'hui, ils en ont plein la bouche des métiers manuels et des voies professionnelles, etc. Mais on sent bien que ces métiers, même s'ils les trouvent très fantastiques, etc., ils les réservent quand même à une certaine catégorie de population. Et je pense qu'effectivement, on se retrouve tous dans des voies, enfin bon, c'est pas moi, hein, c'est Bourdieu, quoi, hein, dans des voies de reproduction sociale à travers l'éducation, qui est plutôt un filtre finalement, on sélectionne des gens pour les mettre sur les bons rails. Et au final, on se retrouve tous dans la vie active sans vraiment avoir penser à un moment donné à ce qu'on va faire. On ne fait que reproduire finalement des choses comme ça. Oui, ce sur quoi je rebondis dans ce que tu exprimes, c'est que j'ai vraiment l'impression que les personnes par... Mais comme par exemple par rapport à ces immigrés qui viennent dans notre pays et qu'on va aller construire des buildings dans des endroits où on va les mettre à part et dans les écoles, c'est pareil en fait. Les personnes ne sont pas des personnes humaines, sont des catégories à qui on ne demande même pas ce qu'elles ont envie de faire et on leur dit bon bah toi j'ai vu quelques notes, hop je te mets là. Toi, je te mets là. Toi, bah, t'as l'air d'avoir un cerveau, donc tu vas faire ça sans même leur poser la question. Il y a des personnes qui se trouvent comme ça dans des voies où elles n'ont pas eu le temps de répondre. Comment est-ce qu'à 18 ans, elles ont la chance, les personnes qui à 18 ans savent ce qu'elles voulaient faire. Il faut toute une vie. On peut, parce qu'on a expérimenté la vie, à 30 ans, se dire, waouh, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, ou à 35 ans. Mais non, à 18 ans, à 20 ans, on va les mettre là, on va les mettre là, ils sont assis ici, et ils savent pas. Et après, on va lui dire, bon, ben, on sait pas, et on éjecte de cette façon-là, encore une fois, une autre façon de ne pas prendre en compte la personne humaine que l'on a en face de nous. Donc, comment faire autrement? Il faut vraiment faire autrement. Et là, je vous pose des questions. Je pourrais avoir des solutions à travers ce que moi j'ai vécu et ce que je pense qui peut faire sens, mais c'est ensemble, en échangeant. Qu'on va faire émerger les idées et qu'on pourra ensuite faire des actions. Bonjour. Ce que vous décrivez, c'est une orientation par l'échec. Voilà, tout simplement. Alors, en fait, finir avec l'orientation par l'échec. C'est pas très compliqué, faut redonner la liberté pédagogique aux enseignants. Faut que les enseignants cessent d'être soumis en permanence aux diktats de l'inspecteur pédagogique régional, aux diktats du programme et aux diktats du chef d'établissement. Et la clé, c'est les outils pour une pédagogie individualisée. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans la formation des enseignants, faut donner absolument la priorité à ça. Donc, je vous donne quelques exemples. L'orthographe, hein, qui est une cause d'échec permanente. Faut des fichiers autocorrectifs, ils existaient. Hein. Il y a 400 fiches. Faire une feuille de route au début de l'année. Chacun connaît exactement ses difficultés, de celles de base aux plus sophistiquées. Chaque route, chacun sait les fiches qu'il doit faire. Chacun fait ses fiches paisiblement, les corrige tout seul paisiblement. Et quand sur un problème orthographique donné, il a fait ses 2 à 5 fiches, là, il est évalué. Mais comme il a fait le tour du problème, eh ben, il a une note satisfaisante, il n'a pas de blessure narcissique et il a appris quelque chose. Même chose pour la rédaction, texte libre, Freinet, texte libre. Bon, etc., etc. Donc, moi, je connaissais surtout le français, mais j'ai une collègue qui a fait la même chose en mathématiques. Les mathématiques créatives, c'est possible aussi. Donc, voilà, c'est ça la clé pour moi. Merci. Alors, simplement, là, il est 14h20 et, en fait, on est assez en retard sur la deuxième intervention. Donc, du coup, on va devoir finir celle-ci. Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes si vous voulez ajouter quelque chose. Et puis après, on fera la deuxième intervention. Je pense effectivement que toute la dernière partie elle permet de conclure, c'est-à-dire qu'il existe des méthodes pédagogiques qui permettent à chacun de se développer à son rythme, qu'elles ont été testées depuis des centaines d'années, parce qu'on évoquait Freinet, il y a eu Montessori, on pourrait se redemander aussi comment on enseigne et ce qu'on attend des plus petits, parce que eux aussi ont beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de méthodes, voilà, et qu'on ait cet espace de liberté dans l'éducation nationale pour utiliser des techniques qui d'une part conviennent à l'enseignant et d'autre part conviennent à la classe, parce que c'est à ce moment-là que l'école réussira. Et puis, de façon générale, donc revenir sur ce principe d'inclusion obligatoire, c'est-à-dire pas d'exclusion d'un jeune, d'un établissement, quel qu'il soit, de placement, de sauvegarde de l'enfance ou de l'éducation nationale, de façon à sortir d'une logique qui est une logique de l'exclusion pour aller vers quelque chose d'autre. Et puis peut-être pour terminer, effectivement, toutes les questions d'orientation qui sont à revoir. Donc il y a un chantier qui est très large. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de mener une réflexion là-dessus. On peut se voir à la fin, effectivement, de cette intervention pour essayer d'échanger des coordonnées et de continuer à avancer. Parce qu'il faut que ce discours il soit porté par les citoyens. On voit bien quand il est porté par les politiques qui débouchent sur rien, il y a un moment où il faut qu'il y ait un large mouvement citoyen qui exige une société inclusive et une société qui donne une chance à chacun de trouver la voie qui lui convient.